Plage 2, technique et conseil. Transmutez vos vieilles mémoires erronées en lumière afin que votre être soit libéré. Tel est le but de Ho'oponopono et du nettoyage énergétique qu'il fait en vous. Mais pour y parvenir, il vous faudra pratiquer. Que ce soit avec cet enregistrement ou bien lorsque vous aurez quelques minutes de calme durant la journée. Pour ce faire, nous allons commencer par prendre contact avec la nature divine qui est en vous après la phase de relaxation. Vous connectez à ce moi supérieur qui représente 92% de qui vous êtes en réalité. Le lien entre vous et lui rétabli, il lui sera beaucoup plus simple d'entamer ce nettoyage couche par couche, ainsi que de vous montrer le chemin à suivre. Ensuite, vous pourrez soit vous focaliser sur un domaine en particulier ou même sur un sujet bien précis avec les plages 5 à 10 ou tout simplement pratiquer en faveur de l'ensemble de votre vie avec la plage 4. Car l'énergie de Ho'oponopono sait toujours où il faut traiter et quelle programmation est à dissoudre en priorité. Pour cela, vous n'avez pas besoin de connaître exactement cette mémoire, ni de la faire remonter jusqu'à votre conscient comme on pourrait le faire en thérapie. Pratiquer Ho'oponopono sera suffisant et son énergie se répandra là où c'est nécessaire. C'est pour cette raison que je vous conseille de pratiquer régulièrement, si ce n'est systématiquement, avec la plage 4, consacrée à l'ensemble de votre existence et de vos programmations erronées. Et cela, même si vous souhaitez ensuite travailler sur un domaine précis. Puis, vous passerez à la phase active de nettoyage, en répétant à voix haute « Désolé, pardon, merci, je t'aime » au rythme que je vous indiquerai dans quelques minutes. Lorsque vous pratiquez, ne demandez rien, rien, rien de rien de rien, car ce que vous demanderiez serait basé sur vos vieilles mémoires et non pas sur ce qui est bon pour vous. Contentez-vous de vous focaliser sur votre vie en général, sur un domaine, sur un fait précis. Ho'oponopono fera le reste, et bien mieux que vous. Mais au fait, pourquoi utiliser précisément ces quatre mots en guise de mantra pour pratiquer Ho'oponopono ? Alors, n'allez surtout pas imaginer que « désolé » et « pardon » font référence à une forme de culpabilité quelconque ou de jugement. Car la culpabilité et le jugement sont des concepts totalement humains qui n'existent pas dans l'entendement divin. Bien au contraire. Car « désolé » est plutôt à considérer comme le fait que vous reconnaissez avoir des mémoires erronées qui vous ont limité dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, mais qu'en aucun cas vous n'avez à culpabiliser car vous ne le saviez pas. C'est la même chose pour « pardon » qui est à prendre au sens personnel du terme, c'est-à-dire que vous vous pardonnez à vous-même de les avoir eues, ainsi que les conséquences qu'elles ont pu avoir sur votre existence et sur celle des autres. Vous posez là le plus bel acte que vous puissiez avoir envers vous-même, vous vous demandez pardon. Waouh, ça c'est de l'amour et de la libération, non ? Le merci qui vient ensuite s'adresse premièrement à cette mémoire que vous venez de découvrir, même si vous n'en aviez pas forcément conscience. Vous la remerciez d'avoir fait partie de votre vie, ainsi que des expériences qu'elle vous a amené à vivre, même si parfois ces expériences furent difficiles. Mais néanmoins, elles vous ont permis de construire votre histoire, votre caractère et la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais vous la remerciez également dans le sens où vous lui faites comprendre que vous n'avez plus besoin d'elle à présent, comme on remercie un collaborateur dont on veut se défaire. Puis vient le « je t'aime ». Il s'adresse autant à vous qu'à votre vie, à votre mémoire erronée, aux autres, à l'univers, à Dieu et à tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Alors je vous conseille d'utiliser cet enregistrement autant que vous le pourrez, 4 à 5 fois par semaine dans les premiers temps. Je vous demande également, lorsque vous pratiquez avec cet enregistrement, de systématiquement commencer par la plage 3, c'est-à-dire la phase de relaxation, et d'enchaîner avec la plage 4. Et cela, que vous désiriez travailler avec l'ensemble du programme, ou bien simplement avec un seul des thèmes proposés. De préférence, demeurez assis durant votre séance, afin d'avoir la colonne vertébrale bien droite et que vos chakras soient parfaitement bien alignés. Enfin, j'aimerais vous rappeler que cet enregistrement est un outil complémentaire à votre bien-être, mais qu'il ne vous dispense nullement d'un traitement traditionnel prescrit par le corps médical, tant physique que mental. À présent, si vous êtes prêt à faire changer votre vie pour le meilleur, allons-y. Commençons par nous détendre et prendre contact avec le véritable être que vous êtes.